L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Pour joindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Non tenga miedo de mi agarra, toque mi, mi aperta, mi amasa, así no da tu gusta, no consigo mi controlar, ten cuidado de mi cuya, no da mesmo para parar, cata da mesmo para controlar. Tens o poder de me fazer alucinar. Tu sabes bem que eu tenho vontade de te amar. Não sei como podes duvidar. Tu sabes que eu gosto do teu jeito. Pra mim tudo é perfeito. Eu é. E tu, baby, vai. Não tenha. Falar a sério, gosta no tanto, chega mais perto, agarra desse jeito, meio atrevido. Sabes que eu gosto do teu jeito, pra mim tudo é perfeito. Eu é. E tu, baby, vai. Não tenha medo de me agarrar, toque em mim, me aperta, me amassa. Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Voilà, heureux de vous retrouver la famille, j'espère que vous allez bien. Bah oui, 16h03 avec Contrôleur. Bah donc ça, c'était de la Kizomba, histoire de bien commencer cette émission sous le soleil. Aujourd'hui, une pléiade d'invités. Seb, il sera dans nos studios, notre invité, à 16h30. Et puis Nathalie Carrien qui se présente à la mairie d'Orléans. Ce sera peut-être la première femme maire, eh ouais, Orléans de l'histoire. eh bien, elle sera notre invitée aux alentours de 17h. Passez un bon début d'après-midi, parce que c'est le début d'après-midi encore à 16h. Et rendez-vous dans 25 minutes avec notre premier invité, Seb. Il a plein de trucs à vous dire et c'est énorme ce qu'il a fait, vous allez voir. Allez, on s'est le cliquant, les zombies, elles nous manquent, Dolores qui nous a quittés le 15 janvier 2018. Salut la famille, si vous venez d'arriver, 16h10. L'After Job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. On est là pour vous donner la bonne humeur, le smile. Il sera notre invité dans quelques minutes. C'est Seb qui est parti au Japon il y a quelques semaines de cela. Il a gravi plus de 300 mètres de marche à la verticale. Il va nous raconter son périple et puis sa nouvelle aventure qui va démarrer dans quelques semaines encore. Seb, notre invité à 16h30. Et puis je vous le disais tout à l'heure, à 17h, Nathalie Kérien qui se présente à la mairie d'Orléans. Femme mère peut-être, ça se trouve. Ça serait bien une femme mère. Ça sera la première fois pour l'histoire d'Orléans. Ça serait pas mal. Allez, du son latino qui arrive. Avec Loque Paso, Paso, c'est des Yankees qui sur l'arc-en-ciel. Passo, Daddy Yankee, Radio Arc-en-Ciel, salut Seb, salut Marie-Christine, salut Cesario, vous êtes nombreux à vous connecter, salut Vito, salut Victor, salut Thomas, belle journée à vous. Bah ouais, demain, invité d'honneur encore, ça va être du très lourd cette semaine, je vous le garantis, demain il sera dans les studios en exclusivité. On l'aura au téléphone, c'est DJ Goldfinger, le DJ Omador sera dans les cieux de la Radio Arc-en-Ciel. Il a démarré sa carrière en écoutant du Dynasty sur Radio Nova, et bien demain il va nous parler de son nouveau single qu'on écoute. Voici Myla, c'est Goldfinger, DJ sur Radio Arc-en-Ciel. Baby, don't stop them. Baby, don't stop them. Myla, yeah. Ah, c'est du bon ça. Il sera dans les studios de la radio. Enfin, au téléphone, on l'aura. Il arrive de Paris. C'est Goldfinger demain dans les studios à 17h30, 17h. Il nous parlera justement de ce nouvel opus qui s'appelle Baila avec Kenzo. C'est du lourd. Hein. Il va nous parler de ses débuts de carrière hein, sur Radio Nova, notamment où il écoutait du Dynasty. Je vous le disais tout à l'heure. Ça va être du très très fort demain. Ne ratez pas notre invité DJ Goldfinger, 17h, 17h30. Et puis du son qui arrive avec les souvenirs. Louis Bertignac, les visiteurs et ces idées-là, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Bébé, faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée. Des cendriers tous renversés. Des heures passées devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir, à me demander où tu peux bien aller. Va plus rentrer, je peux faire une croix sur toi. Comment ne pas m'imaginer ta petite gueule entre ses bras? Comment ne pas crier? Comment ne pas pleurer? Oh, je suis fatigué. Oh non, non. Faut pas blesser. Bébé, Louis Bertignac, les visiteurs ex membres du groupe Téléphone. On adorait ça en hein, fin des années 80. Ah ouais, un tube planétaire hein, pour emballer des meufs, c'est bon ça. On vous souhaite une belle fin d'après-midi. Plein de douceur cet après-midi, j'ai sélectionné, ouais, on s'est dit tiens, il pleut. Lundi pluvieux, lundi heureux. Et ouais, ça se dit. Si là on va pas dire la solitude. Senza lui è un cuore di metallo senza l'anima, nel freddo del mattino grigio di città. A scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me

ça dure longtemps. User ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon ange. Je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans. Que jamais la raison atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même. Plein de douceur avec Amir. Longtemps, et tout le monde adore ce titre à la radio, c'est un truc de malade, hein, il cartonne. Hein. Et il est notre invité, il arrive dans 3 minutes 50 secondes. Ouais. Je suis perturbé aujourd'hui, je sais pas ce que c'est, mais c'est notre invité Seb dans les studios, on va parler de lui en bien, bien sûr. Quel sportif, il arrive en courant. Hein. Carlos US, Shakira et Seb en direct sur Arc-en-Ciel. Que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que ese rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que ese rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que ese rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que ese rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ella es la favorita, la que canta la zona. Yappa, la Shakira, Carlos Vives, un peu de sport aujourd'hui. Eh bien, il est dans les studios, on va l'accueillir dans 2 minutes même pas. C'est notre invité Sébastien. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. C'est maintenant que je l'accueille. Salut Seb. Comment tu vas bien mon ami? Ça va et toi? Ouais, en pleine forme. Oui. On dit Seb, Sébastien, comment on t'appelle? Seb. Seb, Seb c'est bien, c'est ce qu'on disait à l'époque. Hein. Osaka, ça te parle? On va en parler dans quelques minutes. Alors pour faire un peu le tour de la planète, dire qui tu es, grand sportif. C'est quoi le sport concrètement aujourd'hui? Comment on appelle ça que tu pratiques? Alors moi je pratique ce qu'on appelle le tower running. Tower running, c'est des courses extrêmes, des courses verticales. Verticales, ouais. Voilà, ça consiste à gravir des bâtiments. Donc je traduis aux gens. Vertical, c'est la hauteur. C'est ça, tout à fait. Vertical, horizontal, voilà. Et ça consiste donc à gravir des bâtiments de très grande hauteur à travers la planète. Voilà. À travers la planète. Mmh. Et justement, en parlant de planète, tu es parti il y a quelques semaines, c'était à Osaka. C'est au Japon. Ouais, alors, bon souvenir de Belleville. Ouais. Donc en fait, au Japon, c'était la finale mondiale du circuit Vertical World Circuit. Ouais. Voilà, c'était la dernière course de la saison. Ouais. Hein, c'est là où il y a tous les grands champions de la discipline. Les grands sportifs se réunissent au Japon. Effectivement. T'as mangé quoi? Des sushis là-haut? Ouais, c'est sympa. C'est vrai? T'as le droit d'en manger, toi, par rapport à ce que tu fais. On mange ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai. Après, il faut faire attention. Voilà. C'est ça. Bon, peut-être pas le cassoulet avant de partir, hein, faire une verticale. On va éviter. On va éviter le cassoulet, surtout sous les. Tu vois, souvenir. Osaka, c'est une belle ville. Ouais, c'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. T'as visité un peu? Ouais, j'ai eu le temps de visiter un peu. Ouais. Bon, c'était plus objectif compétition. Donc, bien sûr. Hein. Voilà, après. Ouais. Tout dans la compète. C'est ça. Alors ça s'est pas passé comment la course, quoi, c'est au pied d'un immeuble. Donc Osaka, c'était la tour Haruka Tower, donc 300 mètres de hauteur. À 300 mètres. Voilà, c'est 1610 marches. Ah oui, quand même. Ouais. Voilà pour 60 étages. 60 étages. Voilà. Alors ton chrono perso là-dessus, attention, accrochez-vous bien. 12 minutes. 12 minutes. Voilà, 12 minutes. Bien loin des premiers, des champions devant. Ouais. Les champions, ils étaient à combien devant? Le champion du monde, il gagne en 8 minutes 20. Ah ouais, ouais donc, il fait fort là. Hein. Ouais, il y a du gros niveau. Est-ce que pendant les 12 minutes, tu fais des pauses ou non? Non, c'est on monte, c'est départ, arrivée. Il n'y a pas de pause. C'est un bloc. Vous partez tous en même temps ou alors c'est... Ouais. Alors oui, normalement, c'est des courses où on part en contre-la-montre. Donc c'est un coureur toutes les 30 secondes. Ah ouais, d'accord. Sauf donc que là on s'est rattrapé alors. Ouais, là, effectivement, c'était la finale. Donc les 12 coureurs élites hommes et les 12 coureurs élites femmes partent en même temps. D'accord. Voilà, donc, ça fout pas les boules quand tu te fais rattraper par un coureur derrière qui te dépasse. Mais moi, en fait, au niveau mondial, je suis classé assez loin des premiers. Donc, t'es combien en mondial? Là, sur le classement mondial, donc sur 130 athlètes, je suis classé 86. Bon, c'est bien, ça va. C'est dans la moyenne, on va dire. Hein, ouais, ça va, ouais. Dans la moyenne. Ouais, quand tu pars devant, par contre, quand t'en double devant, ça doit te foutre. J'en double très peu, on va dire. T'as la rage. T'en as doublé? Un seul. Bon, bah, c'est déjà un début, un seul. Hein. Ouais, qu'est-ce qui est le plus poignant, justement, dans cette montée verticale 300 mètres, 1600 marches? Combien de 12 000 marches, tu disais? 1610 marches. 1610 marches. C'est quoi l'adrénaline? C'est un effort qui est assez violent dès le départ. Donc, en fait, on est dans le rouge dès le début. Ah, non, ouais, donc, dès le départ, ouais. Ouais. Il faut savoir se gérer. Il faut aussi apprendre à se connaître parce que, bon, c'est le cardio. C'est... Ouais, un grand coup de cardio, là. Hein. L'acide lactique qui monte dans les cuisses. On a vite bobo aux jambes. Donc, ouais. Mais bon, on est dans un endroit clos, donc il y a la chaleur, la poussière. C'est un effort qui est assez intense quand même. Le corps en prend pas mal, surtout les tendons, à mon avis, tendons d'Achille, tout ça. Là, ouais, les genoux. Les genoux, surtout. C'est les genoux qui prennent ça. C'est l'endroit du corps qui ramasse le plus, celui-là. On est tout le temps plié, donc on a l'impulsion sur les jambes et les genoux sont tout le temps en mouvement. Donc, c'est assez violent pour les articulations. Et comment on fait dans sa tête quand on monte 1600 marches, dont 12 minutes quand même, c'est énorme. On se met comment moralement, physiquement? On pense à quoi? Tu penses à quoi quand tu montes, toi? On pense à rien. En fait, on se déconnecte. Ah. On se déconnecte complètement. On est dans notre bulle et voilà. L'objectif, c'est de monter le plus vite. Donc c'est ça. C'est l'objectif, c'est d'arriver en haut. Donc, tu pars. Tu mets un chrono quand tu pars. Oui, on met le chrono. Et tu regardes? Non. On est tellement. T'as pas le temps. On est tellement dans notre truc qu'on pense pas à regarder la montre. On la regarde quand on arrive là-haut, quoi. Ouais. Donc voilà. D'accord. Une grande aventure en tous les cas à Osaka. Des bons souvenirs. Ouais, hein. C'est. T'as fait pas mal de choses. T'es passé la télé aussi. Oui, c'est ça. Il y a au mois de mars, j'ai fait Ninja Warrior. Ninja Warrior, je regardais de temps en temps. Ouais. C'est pas facile aussi, ça. J'ai pas eu l'occasion d'être diffusé à la télé. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, c'est dommage parce que j'ai regardé moi sur internet, là c'était pas mal. Ouais. Alors, nouvelle aventure qui arrive prochainement, ça sera quand? Alors, la dernière course de l'année, c'est le 19 décembre. Ouais. Donc, quelques jours avant Noël, peut-être un beau cadeau pour toi. Ouais, c'est pas loin de chez nous, hein. c'est à Paris, sur la butte Montmartre. Voilà, d'accord. C'est la course que j'ai fait l'année dernière déjà, donc l'Ultra Trail de Montmartre. Ouais. Donc pour expliquer un peu, c'est une course de 24 heures. Ah ouais, alors... Où il consiste de gravir 271 fois les fameuses marches du funiculaire. Ouais. Voilà, donc l'objectif, 271 allers-retours. Oh, ça fait du boulot, ça. Donc l'année dernière, j'avais stoppé après 17 heures de course. Ah, 17 heures, mince. Voilà, là, cette année, tu reprépares, tu calcules les erreurs que tu as fait l'année dernière? Ouais, tout à fait, parce que sur la première édition, c'était une première expérience pour moi, donc j'ai appris beaucoup à me connaître aussi. Donc après, je pars sans ambition de faire aussi mieux que l'année dernière. L'objectif, ce serait quand même de faire mieux. Mais bon, après, tout dépend du corps, comment il va réagir et comment il va accepter. Ça va, ton corps, en ce moment, vous êtes potes? Ouais, ça va. Ouais, ça va. Tu lui parles des fois la nuit? Il se relaxe la nuit, heureusement d'ailleurs. Ou autre chose, on peut faire d'autres choses la nuit. Donc, sur cette course, on est 25, on est 25 sélectionnés. Mmh. Voilà, on est très peu d'athlètes. Et on sera deux Orléanais cette année. Donc, j'ai mon pote qui fait du tour running aussi, Joris. Tu peux le saluer, Joris, c'est ça? Salut, Joris. Joris Dakar, oui. Et donc, on sera les deux Orléanais. On représentera Orléans sur cette course là, le 19 décembre. Alors justement, travailler les erreurs l'année dernière, c'est quoi? C'est regarder des vidéos et remater ça, se dire tiens, ça je vais pas le faire, ça je vais m'améliorer, ça je vais faire ça. Pas forcément, parce que j'avais bien été suivi. Donc côté alimentation, ça s'est super bien passé. En fait, c'est surtout l'articulation, c'est le genou gauche qui a bloqué. Il bloque. On peut te mettre un genou en plastique si tu veux. Le genou gauche qui a bloqué un petit peu après 17 heures de course. Donc j'avais préféré stopper ma course plutôt que de me blesser encore plus. Donc Si t'avais un point faible et un point fort, le point faible en toi, ça serait quoi? Le point faible pour toi personnellement? Là, c'est le genou gauche. Le mental, je l'ai, donc voilà. Après, je suis préparé pour. Ouais. Donc j'ai fait pas mal de séances pour ça et au niveau mental et physique, non, je pense que je pourrais aller loin, mais bon, après c'est l'organisme qui décidera. Ouais, et le point très fort ou pas fort? Le mental. T'es vachement préparé? Ouais. T'as un coach pour ça ou alors tu le fais toi-même? Non, moi je suis coach, je suis entraîneur. Tu te coaches tout seul, tu t'auto-coaches, on va dire. Je me coach, bon après j'ai un diététicien qui me suit pour, sur la bouffe. Pour le protocole alimentaire, et puis mon ostéo. On le salue, comment il s'appelle? C'est Frédéric Goustour. Salut Fredo, Fredouille, on le salue, mon Fredouille. Alors l'aventure c'est quand, tu m'as dit? Le 19 décembre, donc le départ 22h, ça sera en direct sur live Facebook, sur la page Ultra Trail Montmartre. Ah là, j'adore. Et après l'avenir, la suite sur le... Après, là 2020, j'ai pas encore trop programmé, on fera quelques courses, mais un petit peu moins que cette année quand même. On va essayer de reposer un peu. Reposer? Ouais, on va faire une combien petite... Combien de temps de repos justement entre deux grosses courses? Entre Osaka puis maintenant, parce que c'était Osaka. Là ça fait court, ça fait court. Bon, Osaka c'est pas de l'endurance, c'est vraiment de la vitesse. Ouais, c'est de la vitesse. Donc après le temps de repos il est pas forcément nécessaire d'en avoir un trop grand quoi. D'accord. Je me dis, il n'y a pas 2-3 mois à attendre, non? Non. Un petit peu, un minimum quand même. Non. On profite, là, c'est la dernière de l'année, donc. Il y a un minimum d'attente quand même, ça c'est la base. C'est la base. Ouais, en tout cas, un gros sportif qui est avec nous, et ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. C'est vrai que tu es récurrent à la radio, t'es un mec qui vient souvent, et j'aime bien. Bon, en plus, tu travailles à Orléans, t'es pas loin. Allez, tu travailles pour À chaque fois que tu m'invites, je viens. Exactement, c'est vrai que j'envoie un petit message, et à chaque fois, tu me dis, je viens, il n'y a pas de problème. Non, ça fait plaisir. Devenir arc-en-ciel. C'est clair. Il y aura d'autres courses, d'autres montées verticales qui vont arriver? Non, c'est alors les prochaines, je ne ferai pas de circuit. Pas de circuit l'année prochaine, donc on va revenir sur de la course traditionnelle à l'horizontale. Ça te dit plus? T'es plus motivé ou quoi? Non, c'est que j'ai d'autres objectifs. Donc là pour 2020, normalement, je me relance sur du long, sur de l'ultra-marathon. Donc je prévois un 100 km à Belvès au mois d'avril, normalement, si tout va bien. Ah ouais. Je pense que ça sera l'une de mes seules courses l'année prochaine. D'accord. Après, on verra. Après, le calendrier n'est pas encore fait, donc. L'avenir, tu le vois comment, Seb, aujourd'hui? Est-ce que professionnellement, t'aimerais faire ça en tant que pro? Enfin, là, c'est pas vraiment du pro, on va dire, mais faire ton métier, par exemple, gagner ta vie avec ça? Non, pas. C'est envisageable, non? Non, pas spécialement. Moi, je suis entraîneur dans un club, en association, donc ça me va très bien. Ouais, d'accord. Ça me va très bien, et puis mon travail me plaît bien, donc. Non. On reste comme ça, on est bien. Ok. Un dernier mot à rajouter, Seb, avant de se quitter? Je vois que Nathalie est arrivée dans les studios. Ouais, écoute, déjà, je te remercie de m'avoir invité. Tu viens quand tu veux. Dans les studios. Hein. Ouais, t'es là, t'es chez toi, c'est la famille, nous, ici. Hein. 34 ans que la radio existe. Hein, on va y rester, nous aussi, ici. Hein. Je te remercie, et puis j'espère revenir prochainement. En fait, je te convoque, entre guillemets, quoi, c'est comme chez le médecin. T'as vu, on vient, on attend dans la salle d'attente, et puis, ça me fait vraiment plaisir, parce que dès que je vois des actus intéressantes, ça me permet de voir des bonnes personnes comme toi qui font des belles choses pour Orléans, etc. Mmh. Puis même pour toi personnellement. Tout à fait, tout à fait. Et puis ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. En sachant que je cours pas que pour moi, pour l'association. On parle de ton association, c'est quoi ton association? Juste vite fait, donc moi je cours pour l'association Guéri d'un cancer. Ouais, Guéri d'un cancer. C'est une association qui œuvre auprès des enfants atteints de cancer et de leucémie. Ouais. Donc vous pouvez aller sur le site guéridacancer.com ou la page Facebook. Sur la page. Faire un petit don, il n'y a pas de souci. On fait un don. C'est une association donc, qui améliore l'hospitalisation des enfants. Donc par des goûters, ils font venir des célébrités, etc. Cool, des sorties, je pense qu'ils en ont besoin, et puis voilà. C'est vrai qu'ils ont besoin de cette force. Faut aussi penser à eux, quoi. C'est clair. En tout cas, on pense à eux, puis on pense à toi aujourd'hui. Bon courage pour le mois de décembre, alors. Ouais, y a pas de soucis, merci. Merci, Seb. Alors, je voulais te remercier vraiment d'avoir pris du temps sur ton temps de travail, parce que t'as pris quelques minutes, et merci à ton chef, qui a accepté que tu viennes à la radio. Voilà, on va le remercier. Merci, Seb. Merci, Franck. Belle journée à vous. À plus tard, tiens. Ciao, Seb. Et puis, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, parce que c'est la fin d'après-midi, ça y est, 16h55. Notre invité qui arrive, Nathalie Carien, qui sera dans les studios dans quelques minutes sur Radio Arc-en-Ciel pour Orléans. Elle se présente en tant que maire d'Orléans. Elle sera notre invitée dans moins de 10 minutes. Les coups derrière, les tournées, les tournées, les sous la mélange. fils d'Ali Gaston d'œuf. Il n'a pas la nabinanisa. Si tu connais une vini bam bam, ça se lève pour ton dam dam. Mette la paillasse en tracasse. A la la nabina bla bla. Bouti bouti, il faut danser. Quand tu connais, il faut tourner. Je vous avais promis le soleil de la Réunion, hein, Lara Manissium, Willy William, DJ Assad, Lee Tourné. Dans 3 minutes, elle sera notre invitée, c'est Nathalie Kérien, qui se présente au poste de maire d'Orléans. Et bien, elle est dans les studios. Invité sur la française en direct dans 3 minutes, puis du son tout en douceur pour finir ce bel après-midi sous la grisaille. Malheureusement, voici le coup de chaleur et Sharon avec Perfect. For me, well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. L'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Stavolta non ti nascerò. Mi baci piano. Stasera vedi sei perfetta per me. Vado con te nell'oscurità, stretti forte poi. Vienino di noi, dentro la nostra musica, ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera. Se c'est parfait, c'est perfect, comme le dit Ed Sheeran avec en duo Andrea Bocelli, notre invité qui est dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Alors on dit lundi pluvieux, lundi heureux, ben nous on est heureux de l'accueillir, c'est Nathalie Carien. Bonjour Nathalie. Bonjour Francky, bonjour à tous. Ça me fait plaisir de te revoir, après on s'est voyé il y a à peu près un an qu'on a dû se voir, un an et demi. Oui même, c'est ça, facilement. Oui. On avait parlé de musique. Ouais, on parle beaucoup de musique, toi t'aimes bien l'art, la musique, les expos, etc. C'est ça. Tu te présentes en tant que maire d'Orléans, alors j'ai envie de t'applaudir, te féliciter, parce que il n'y a pas eu, à ma connaissance, de deux femmes qui ont été maires d'Orléans. Non, ça n'est jamais arrivé. C'est vrai que c'est assez difficile pour les femmes de se présenter à des élections. Ouais. Les femmes osent moins, elles pensent qu'elles ne sont pas capables de le faire. Elles ont un petit Pourtant, peu peur. Je pense à Marie-Agnès Linguet, la mère de Fleury. Oui, que je heureusement, elle est heureusement bien, elle. Moi, il y a Marie-Agnès Linguet, ouais. Il y a Vanessa Slimani, il y a Constance de Pellichy. Oui, heureusement, ouais, il y a heureusement. Des femmes mères, mais elles sont trop peu nombreuses. Et donc, il faut se lancer. Ouais. Donc, je me lance. C'est bien. Bonne initiative. Alors, qui t'a donné l'envie, toi peut-être, ou des amis, des proches qui t'ont dit, pourquoi tu le ferais pas, toi? Bah, attends. En fait, ce sont des jeunes gens. Ouais. Trois jeunes garçons précisément qui sont venus me voir il y a plusieurs mois déjà. Ils ont entre 22 et 28 ans. Et puis ils me connaissaient comme ça de loin. Ils me voyaient, ils me regardaient, ils me côtoyaient. Et ils sont venus me voir en disant, mais vous devriez vous présenter à l'élection municipale. Vous avez le charisme, vous avez le... Nous, nous aimerions vous aider à devenir maire d'Orléans. Ouais. Et effectivement, bon, il y a eu beaucoup de réflexions parce que c'est pas une décision qui se prend à la légère. Mais je me suis finalement dit, en effet, que ce serait le prolongement de ce que j'avais pu faire en tant qu'adjointe au maire, à la culture. Bien sûr. Et Orléans, en plus, c'est ma ville. J'y suis arrivée quand j'avais 4 ans. Après, j'ai dû partir quelques années pour le travail. Ouais. Puisque je travaillais à France 3, donc j'ai fait pas mal de régions. Journaliste à France 3. Oui, c'est ça. Et puis, j'y suis revenue en 2014, fin 2013 exactement. Et voilà, et depuis, je n'ai plus envie de la quitter. J'ai même envie de travailler beaucoup pour Orléans. Ouais. Alors, comme tu disais, ces jeunes qui te disent, vas-y, fais-le. Et quand tu rentres chez toi, tu te dis, je vais le faire. Je vais préparer un dossier, je vais préparer ma proposition pour la ville d'Orléans. C'est un peu ça que ça s'est passé comme ça. Non, en fait, tu réfléchis. Hein, tu y réfléchis. Tu rentres pas chez toi, tu te dis, je vais être merde demain. Tu y réfléchis tout le temps. C'est un boulot de dingue. À partir du moment où tu y penses, tu y réfléchis énormément. Tu y réfléchis aussi avec ta famille. Hein. Ouais. Autour d'un bon repas. Bien entendu, j'en ai évidemment beaucoup parlé avec mon mari. Parce que, comme tu le sais, quand on est. Parce qu'il ne faut pas que ça crée un divorce quand même. Voilà, on n'est jamais chez soi. Hein, c'est donc vrai. C'est un peu compliqué. Le mari, il a dit oui, ok. Ouais, il a dit tu fais ce que tu veux, bon, tu fais comme tu veux. Et il me soutient beaucoup. Heureusement, et puis, j'ai deux enfants également qui sont grands, qui ont 27 et 22 ans. Et eux c'est des bons conseils. Peut-être surtout sur le côté jeune. Hein. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et ça, c'est important, je trouve, de pouvoir essayer de travailler avec des jeunes. Parce que du coup, ces jeunes personnes dont je te parle, ils sont toujours avec moi. Elles sont toujours avec moi. Et j'ai envie de transmettre, de dire, cette ville, c'est vous. Cette ville, c'est votre avenir. C'est vrai. Parce que moi, ça y est, je suis un petit peu vieille déjà. Non. Alors demain, c'est pour eux. Et j'ai envie qu'ils s'investissent. Et pour qu'ils s'investissent, eh bien, il faut leur donner la possibilité de le faire. Et ça, c'est vraiment mon objectif, c'est qu'il y ait vraiment des gens jeunes sur cette liste pour qu'ils représentent la jeunesse d'Orléans. C'est ça. Voilà. Alors, j'ai été fouillé un petit peu sur ta page. On va fouiller. On peut pas besoin de fouiller hein, dans l'actualité. Orléans, c'est ma ville de cœur. J'y ai grandi, j'y travaille, j'y vis. Je rêve de pouvoir agir pour que chaque habitante et habitant s'y trouve bien à sa place, dans son rôle, dans ses aspirations. C'est beau tout ça. Ça en dit beaucoup. Oui, en fait, depuis que je suis élue, j'étais tout le temps sur le terrain en train de rencontrer des gens qui me demandent des choses, ouais, ou qui demandent qu'on puisse les aider, qui expliquent leurs problèmes. Il faut aimer les gens pour faire ça. Mmh. Et il faut avoir envie de les écouter. Donc je les ai beaucoup écoutés. Je continue de le faire beaucoup en ce moment, ce qui, j'espère, pourra me permettre d'agir pour eux après. Ouais. Mais en fait, il y a aussi un rapport avec le métier que je faisais avant, puisque avant, comme toi, je recevais des gens dans un studio de télévision. Ah, tu étais haut de gamme, télévision. Haut de gamme, tu sais. Une petite radio, mais on se sent bien. J'ai commencé à la radio et tu sais, j'ai beaucoup de nostalgie parce que j'aime bien venir ici, tu vois. On se marre ici, on est chez. C'est sympa que tu m'invites, j'adore ça, parce que ça permet de reparler dans un micro. Ouais, ça, c'est agréable. Et comme tu le sais, on rencontre plein de gens. Mmh. Plein de gens qui nous parlent de leur vie, de leurs expériences, de leurs problèmes, parfois. Et donc, quand on est élu, on a la possibilité d'essayer de les aider du mieux possible et d'essayer aussi d'entendre ce qu'ils voudraient améliorer dans leur ville. Mais c'est ça que j'ai envie de faire. Justement, améliorer, écouter, c'est pas un peu les récurrents de tous les maires et qui proposent à chaque fois, on va écouter les gens, on va être proche de vous, on va venir vous voir. Est-ce que c'est pas un peu le discours qui revient régulièrement en général, je dis pas forcément. Bah, tout à fait d'accord. Après, c'est aussi la base. Normalement, c'est la base, c'est de pouvoir écouter et puis après essayer de proposer des choses. Maintenant, il faut vraiment être sur le terrain tout le temps. Moi, depuis que je suis élue, en plus à la culture, comme tu le sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la métropole. Tu m'étonnes. Et donc, j'ai beaucoup été sur le terrain et c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire, je crois que j'ai beaucoup écouté, j'ai encore beaucoup à écouter et j'espère que je pourrais essayer de mettre en action des choses après avoir écouté les besoins et les envies des gens. Mais si on n'est pas sur le terrain, si on n'écoute pas les gens, sérieusement, on peut pas faire ça. Ah oui, c'est même pas la peine d'être justement, c'est ce qu'elle fait. On parlait justement de Marie-Agnès Linguet, qui est la mère de Fleury-les-Aubrac, que je salue, parce qu'on est dans sa ville aujourd'hui. Qui connaît ça par cœur, parce qu'en ce moment, je regarde sur son Facebook, je regarde régulièrement, et c'est vrai qu'elle est souvent à l'écoute des gens, elle est à l'extérieur, elle va taper aux portes des habitants, d'ailleurs, malheureusement, elle a failli se faire agresser il y a pas longtemps. J'ai mis un petit commentaire de soutien sur Facebook. C'est beaucoup de social, parce que quand tu tapes à une porte d'habitant ou d'habitante, on va dire moi j'ai envie de ça, et puis alors, faut parler des fois pendant des minutes, mais on peut pas rester non plus 3 heures par habitant, t'imagines. Non, mais tout à fait. Moi, j'ai été adjointe de quartier et là tu vois tous les problèmes du quotidien des personnes. Ils viennent te trouver, ils prennent rendez-vous avec toi pour te dire moi je cherche un boulot, j'ai un problème de logement, enfin ça peut être tout, ou j'ai un problème. Est-ce que vraiment concrètement aujourd'hui toi si tu dis demain tu t'as pas moi j'ai envie de je cherche du boulot j'ai pas je paye pas mon loyer depuis 6 mois je vais être à la porte, est-ce que toi vraiment personnellement tu prends en compte ça? On est bien obligé de le prendre en compte. La dernière petite anecdote en date, c'est ça, c'est une personne jeune, un garçon, pas de diplôme, pas de boulot, tu l'orientes sur la mission locale, t'essaies toi-même aussi de le mettre en relation, de l'aider, et puis aussi avec ton réseau, tu essaies de donner son CV à droite à gauche pour lui permettre de décrocher un travail ou même un stage qui lui permet après peut-être d'avoir un travail, enfin une formation, mais en fait on le fait tous ça, on le fait tous, toi tu le fais aussi moi des fois j'ai des amis qui me contactent sur le réseau, salut Francky, tu connais pas quelqu'un qui cherche un apprenti, etc. ça aide sur ce sujet en plus, la formation, le travail, etc. On sait bien qu'il faut faire marcher tous les réseaux possibles et imaginables pour que ça puisse marcher, donc c'est notre travail à tous, c'est un travail collectif, on le fait tous. C'est vrai que par rapport à dans le temps, parce qu'on est, moi je suis plus tout jeune non plus, les réseaux sociaux nous aident beaucoup là-dessus. Quand on recherche quelque chose, avant on n'avait pas tout ça. Quand on voulait trouver un employeur, etc., il fallait se déplacer, il fallait emmener des CV, etc. Maintenant, c'est vrai que le côté facilité, on va dire avec tous les réseaux sociaux, de poster un statut, je recherche ça et ça, et les gens viennent se greffer là-dessus et peut-être aider. C'est bien et c'est pas bien. Attention, parce qu'il y a eu deux côtés du c'est l'avantage des réseaux sociaux. C'est vrai que ça nous met tous en relation, on est au courant de ce qu'on fait, etc. D'ailleurs, nous deux, on ne s'est pas vus physiquement, depuis un an. Mais en revanche, je suis ce que tu fais parce que je le vois sur Facebook ou sur d'autres réseaux, et sinon, je ne saurais pas ce que tu fais. Bien sûr. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, comme tu le sais, ce sont parfois les propos excessifs, la violence, etc., le jugement. Surtout en ce moment, malheureusement, il y a eu une marche justement pour les femmes. J'y vais là, là tout tu à l'heure quand, voilà. quand je quitte le studio c'est, je vais rejoindre vas, la manifestation voilà, oui. manif malheureusement ça, ça arrive beaucoup et de plus en plus en ce moment et c'est désagréable et moi ça me met hors de moi ça ouais. Ben c'est évidemment en ce moment alors pour les femmes et pour les hommes pour d'ailleurs les femmes, hein. ouais, mais quand on est une femme bah, évidemment on se doit d'aller dans cette manifestation de redire que c'est absolument scandaleux de redire qu'il faut vraiment agir fort parce que bien souvent une femme qui est victime de violence parfois elle ose même pas le dire bah souvent elle ose et si elle va voir la police parfois ben bah, l'accueil est pas toujours évident parce que les policiers ils sont un peu débordés aussi bah, faut se mettre à leur place hein, ils sont pas forcément formés à cela. Et puis parfois le mari violent, bah il reste dans la nature et il revient après se venger contre la femme qui l'aurait dénoncé. Ouais. Donc effectivement il y a beaucoup de travail. Il y a aussi un travail à faire bien sûr pour que ces femmes elles puissent ensuite souvent elles ont des enfants, faut qu'elles puissent être hébergées tranquillement, qu'elles puissent vivre tranquillement. Bah ça évidemment les élus locaux doivent participer. Tout le monde doit s'y mettre. Hein, ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je vais à la manif. Là, voilà. Juste après. Voilà. Alors Nathalie Kérien, maire d'Orléans. J'espère pour toi. Moi, j'ai pas de parti. Hein. Moi non plus. Je vais recevoir Olivier Carré la semaine prochaine. Bah, t'as raison. Mais de toute façon, moi, je me présente sans parti politique parce que comme ça, c'est plus simple. J'ai un groupe de personnes avec moi, une équipe. On est on vient de partout. On est de toutes origines sociales, des hommes, des femmes, de tous les âges. Beaucoup de jeunes, c'est vrai. Beaucoup de jeunes. Mais ça, j'y tiens absolument. Et donc, du coup, sans parti, on est bien. Alors, j'ai pris des petites phrases là sur ta page officielle. Ensemble, faisons avancer Orléans. Écoutons, proposons, améliorons. On a fait quand même pas mal de choses pour la ville d'Orléans. Bien sûr. Hein, déjà, on a amélioré beaucoup de choses. Exactement. Dans beaucoup de domaines. Alors, toi, tu dis écoutons. On est pas mal à l'écoute aussi. Proposons, améliorons. D'autres choses à améliorer pour toi aujourd'hui. Ben, ça serait quoi la priorité aujourd'hui, ça serait quoi pour déjà toi? Tu vois, moi, je suis modeste parce que j'ai été adjointe à la culture. J'estime que avec toutes les équipes, on a fait beaucoup de choses. Bien sûr. Mais c'est perfectible, tu vois, on peut toujours s'améliorer. Donc tout ce que j'ai fait pas très bien, bah j'espère pouvoir le prolonger et le faire mieux. Qu'est-ce que j'attends en priorité? Alors moi je vais donner peut-être une petite priorité pour mon quartier. Moi j'habite près du pont Georges V à Orléans. Ah j'adore. Et là, il est beau ce pont, mais alors c'est un bazar pas possible c'est le entre bordel. Le tram, les voitures, les vélos, les piétons. Donc il faut vraiment cette passerelle. Voilà, il faut vraiment qu'on essaie de pouvoir mieux circuler sur ce pont et surtout que les vélos et les piétons puissent circuler en sécurité. Justement, on parlait d'une passerelle. Ça serait un alors, peu la passerelle, elle doit arriver, mais la passerelle, elle n'est pas prévue avant au moins 5, 6, 7 ans pour des raisons de financement. Donc, est-ce qu'on peut pas enlever une voie de voiture, au moins essayer tout de suite? On peut le faire d'ici 3 mois après l'élection. Bien ça sûr. Peut être fait, par exemple. Moi, j'aimerais aussi, parce que j'ai vu, par exemple, beaucoup d'enfants qui sont scolarisés, qui ne mangent plus à la cantine. Tu sais pourquoi? Parce que leurs familles n'ont pas les moyens de payer. Ouais, et pourtant, ça, j'ai vu. Et, voilà. Et alors ça, moi, j'aimerais bien que pour les familles... Trouver une solution, parce qu'il y a eu des cas où ils ne mangeaient pas du tout, les gamins. Exactement. Ça, c'est un peu honteux quand même. Donc, je propose que les enfants qui sont très démunis, en tout cas quand les parents sont très démunis, qu'on puisse leur proposer la gratuité des repas à la cantine. Ça serait bien, ça, Dans les écoles d'Orléans, je pense que dans une grande ville, on a les moyens de faire ça. C'est un devoir de solidarité. Et ça, j'y tiens beaucoup, particulièrement. Et puis, la jeune génération. Ils ont plein de propositions. Je pense qu'il faudra effectivement qu'il y ait un élu jeune, qui a moins de 30 ans, qui a aux alentours de 25 ans, qui puisse s'occuper justement de la vie nocturne, des loisirs, des problématiques de sécurité, tout ce qu'on peut vivre quand on a besoin de faire la fête, de s'amuser, etc. La fête en toute sécurité. Voilà, exactement. Ça. Et ça, j'y tiens beaucoup, mais je pense qu'il faut que ce soit un jeune qui s'en occupe, parce que très franchement, moi j'ai 54 ans, c'est vrai que j'ai pas les mêmes... j'ai pas les mêmes besoins, j'ai pas le même quotidien, je fais pas les mêmes choses. Donc je tiens à donner des responsabilités à des personnes jeunes. Et voilà, trois petites minutes encore, la place des personnes, parce qu'on parlait des jeunes, des personnes âgées, c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent mal aussi, parce qu'on parlait des cantines, il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent avec des petites retraites, malheureusement. Alors, dimanche, hier midi, j'étais invitée, comme chaque année d'ailleurs, au club de la Cigogne. Le club de la Cigogne, c'est un club de personnes âgées de mon quartier, Saint-Marceau. Ouais. Et je vais tous les ans, je vais boire l'apéritif avec eux, puis après ils se font un bon repas, un bon repas, ils dansent, etc., ouais. Ils chantent. Et alors vraiment, moi, je prends un plaisir extraordinaire à faire ça. Parce que effectivement, ces personnes, il y en a beaucoup dans ma résidence. Moi, j'habite dans une résidence dans le quartier Saint-Marceau, et il y a majoritairement des personnes assez âgées qui souvent sont seules. Donc effectivement, la dernière fois, j'étais avec une voisine qui habite en dessous de chez moi et qui est un peu âgée. Elle est tombée, etc. Et bien voilà, je l'ai aidée avec ses courses et tout à c'est monter. Bien. Et puis elle a mon numéro de portable, le numéro s'il de mon mari. Problème, ouais. Et c'est qu'il y a un souci. Et moi, quand je faisais quand j'étais dans la culture, je m'apercevais que beaucoup de personnes qui sont âgées ne pouvaient pas venir voir des spectacles, etc., parce qu'elles pouvaient pas prendre le tram, parce que prendre le tram tout seul, ouais, c'est difficile. Pas facile. Et ou alors si c'est que le soir les spectacles, ben elles peuvent pas parce que le soir elles ont la trouille de rentrer, ben, ce qui est normal. Ouais. Et c'est trop tard. Donc bien sûr que ça m'intéresse. Ce que j'aimerais faire aussi, et comme justement on travaille avec des jeunes, et donc qu'on pourrait relier avec les personnes, nos aînés, on va dire. Ouais. Eh bien, dans beaucoup de villes, enfin de plus en plus maintenant en France, il y a parrainer un peu, c'est ça. Voilà, et puis du logement intergénérationnel, c'est-à-dire tu fais par exemple un petit immeuble. Ouais. Il y a des logements pour les jeunes qui sont apprentis, étudiants, ce que tu veux. Et puis les anciens. Et puis les anciens. Ah, c'est pas et mal, puis ça. Alors, tu peux payer, par exemple, tu peux payer un loyer moins cher pour un jeune si tu donnes, par exemple, 3 heures de ton temps à la petite dame à côté. Ouais. Si tu vas lui faire ses cours, si tu vas passer une heure avec elle, tu l'emmènes voilà, à un concert, tu la ramènes à un concert de, ou autre chose. Ouais. Voilà, ouais. Pour aller promener son chien avec elle, etc. Ça va, ça, ouais. Et ça, je pense qu'il faut vraiment créer des liens comme ça intergénérationnels. Mmh. Ça permet à tout le monde d'y trouver son compte. Ouais. Et puis, on sait bien que les jeunes, souvent, ils n'ont pas beaucoup de sous et ça leur plaît beaucoup de rendre des services comme ouais, ça. C'est vrai, ouais, ouais. Et ça leur fait un logement moins cher. Et puis, du coup, les personnes plus âgées, elles sont moins seules. Elles ont l'occasion de voir puis, des gens. Voir des gens. Et puis, c'est important que les personnes soient dans la solitude parce que des fois, elles sont toutes seules, elles n'ont pas de famille ou alors les familles ne leur rendent pas de visite. Et bien là, ils ont le voisin qui peut venir les voir 3-4 minutes, voilà. Parler avec elles et puis que... voir si tout va bien surtout. Oui, ouais, tout à fait. Alors, ça, on le fait quand on a des voisins. Enfin. Pas toujours, malheureusement, c'est pas toujours facile, ouais. Les gens sont pressés, etc. Donc ça, je pense qu'il faut essayer de le créer, c'est-à-dire au lieu de faire des trucs genre résidence étudiante, résidence ouais. pour ah les ouais, personnes d'accord. âgées, tu vois, faire des choses où on réunit les gens, et puis finalement, comme ça, ils s'échangeront des services, c'est parce vrai. Que ouais, les anciens, ils savent faire des choses que les jeunes ne savent pas faire, et inversement. En tout cas, de très bonnes idées, Nathalie Carrien, un dernier mot à rajouter, comme ça, je t'aurais donné 15 minutes, je donnerai pareil à Olivier Carré, et voilà, the même time, comme on dit, hein. c'est comme ça que ça se passe. Un dernier mot à rajouter, Nathalie Carrien, maire d'Orléans. On dit maire, ouais. Eh bien, écoute, oui, maire d'Orléans. Ouais. On peut dire. Mairesse, je crois, non. Madame la mairesse, madame ouais. la maire, madame le maire, tu peux dire ce que tu veux. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que, toujours par rapport à ce que je viens de te dire sur toutes les générations qui ont besoin de se retrouver, on a des médiathèques à Orléans, on en a plusieurs, on en a une grande médiathèque en centre-ville, mais on en a plusieurs dans les quartiers. Mmh. Et moi, je crois que ce sont des lieux extrêmement importants pour toute la population, les jeunes et les vieux, justement, s'appeler à tout le monde. Ce sont des endroits qui sont très fréquentés, ce sont des endroits gratuits. Et moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir mettre un petit peu de moyens là-dessus pour que tout le monde puisse venir lire, venir consulter un ordinateur, etc. Ça crée des rencontres. Ça crée des rencontres avec des gens totalement différents. Bien sûr. Mais il faut qu'on puisse ouvrir un peu plus facilement, un peu plus tard le soir, un peu plus tous les jours, etc. pour que tout le monde puisse en profiter parce que c'est vraiment le lieu qui accueille toutes les personnes, la personne qui est même, il y a même des personnes sans abri qui viennent lire un journal s'installer, lire un bouquin, elles sont au chaud, elles sont bien. Donc c'est un lieu social et un lieu culturel et ça je ferai tout pour soutenir cette médiathèque. Et ben voilà, on va se quitter sur ces belles paroles. En tout cas, Nathalie Carrien, je merci de l'invitation. Merci à toi. Je t'ai contacté il y a très peu de jours et t'as accepté direct, ça me fait vraiment plaisir. Et puis bonne chance, voilà. Merci beaucoup. Quand tu seras maire ou peut-être, j'espère pour toi en tous les cas. Merci. On est avec toi, voilà, c'est ce que je voulais te dire. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, c'était Nathalie Carrien qui se présente à la mairie d'Orléans. Moi je pense qu'elle a ses chances, moi je pense. Porque quieres engañarte si tú bien sabes que ahí no hay amor. Es imposible que me olvidaste.

avec lui tu fais n'importe. Il est du Mans, il est DJ, il s'appelle Belle. Plus loin, Mondo. J'adore hein, ce mec avec la version French de Elle Perdonne sur la console. La météo pour demain. Malheureusement, mauvaise nouvelle pour vous. Eh ouais. La météo. Elle est sympa Nathalie, on a bien discuté en partant, super sympa. Ouais, si un jour elle est mère, j'espère que j'aurai une place. Ouais, j'espère. La météo pour demain, le ciel est variable. Les températures au lever du jour, eh bien ça va faire froid demain matin. Dès que je retrouve ma fiche, elle est là. Voilà, de 2 petits degrés et on dépassera pas les 9 degrés. Bon, de la pluie, du soleil, non pas de soleil, des nuages demain. En tout cas, beaucoup de pluie malheureusement, c'est comme ça. Elle Perfect qui arrive avec Ed Sheeran, la reprise. Et c'est la version French. Fais pour moi. Ne regarde pas autour et suis mes pas. J'ai trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt on créerait un nous. Cet enfant qu'on est tombé à. Je ne partirai pas demain. Embrasse-moi comme tu sais. Ton cœur est tout ce que j'ai. Et dans tes yeux tu tiens bien. Bébé, je partager sa vie. J'ai trouvé l'amour pour supporter plus que mes secrets. Pour cet instant où je porterai nos enfants. Nous sommes encore jeunes mais nous nous aimons. Luttant contre le temps, je sais que tout ira pour. Tiens-moi la main, suivant notre chemin. Je vois mon futur dans tes yeux. Bébé, je danse dans le noir, dans le creux de tes bras. Le cœur rempli d'espoir, tout en écoutant notre. Je crois en ce que je vois. J'ai rencontré le bon. Oui, tu dois le croire. Chérie, tu es parfait ce soir. C'est bon, vous êtes parfait, vous êtes en voiture. Ouais, vous faites la gueule. Normal, il pleut. Il se rend plus vieux. En tout cas, on est là pour vous donner le smile, le sourire. Et puis demain, il sera notre invité. Je vais vous en parler tout de suite. Demain, ça va être du très lourd. Encore, et encore, encore, encore. L'After Job. C'est mardi, c'est demain, il sera notre invité. En exclusivité, il s'appelle DJ Goldfinger. Vous le connaissez forcément. Bah oui, il est main d'or de DJ depuis des années et des années. Il a découvert la façon de mixer, de faire du smash et tout ça grâce à Radio Nova. Et puis il a découvert le groupe Dynasty aussi. C'est ce qui lui a donné l'envie d'être DJ. Le DJ au main d'or sera notre invité. On l'aura au téléphone demain depuis Paris en direct. Ça va être du très très lourd. Il va nous parler de son nouveau single. Et je peux vous dire, ça déménage forcément très très très fort et on adore. Voici en exclusivité le nouveau Goldfinger sur Radio Arc-en-Ciel. C'est du lourd, écoutez, c'est Bailin, voici DJ Goldfinger. Ah, c'est bon ça pour l'hiver, hein, ça va tenir chaud. DJ Goldfinger demain en direct sur Radio Arc-en-Ciel vers 17h, 17h30. Il sera notre invité justement. Il nous parlera de ce nouveau single, Et Baila. Donc ne ratez pas encore ce bel événement, un événement Radio Arc-en-Ciel. Et je voulais vraiment remercier Nathalie Carien qui est venue nous voir dans les studios de la radio. Peut-être la future mère d'Orléans. Ah, ça serait bien, ça serait bien. Arc-en-Ciel, les bons plans sortis, actu, musique locale, c'est sur le 96.2 FM. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, c'est du soleil toute la journée. Et du soleil, en voilà encore. Vous êtes sous la grisaille, et bien on vous donne le smile, le sourire. C'est Francky dans la radio. Si vous sortez du boulot, de formation, et bien voilà, histoire de faire la fête encore, encore, encore. Voici Camaleon avec Mas, c'est sur Arc-en-Ciel. C'est l'afterwork avec Francky. Ouais, je vous réveille plus, mais par contre, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. L'after job avec Francky, le lundi de 16h à 18h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. À 17h39 minutes, tiens, si on se donnait rendez-vous, place, pas place des grands hommes, mais place du Mar 3. Tout de suite, allez, venez nous rejoindre. On est en direct jusqu'à 19h. Voici Bruel. 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi. Je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? Pas flotter tranquille sur l'eau, j'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien sont là? 4, 3, 2, 1. 1-0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les trouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as trois gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Dis-toi Pascal, je pars toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Des bourrasques, comme vous, comme vous, comme vous. Chaque amour mort à une nouvelle a fait place. Et vous, et vous, et vous. Et toi Marco, qui ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion. Et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Et bah c'est formidable. Et copains, on se dit, tout dit, on serre la main. Et ça, c'est du monde de copains qui se retrouvent 10 ans après l'album 1989. Alors regarde, là forcément, on dit ah ouais, j'étais jeune à l'époque, j'étais beau, j'étais musclé. Bah ouais, ça arrive à dire aussi. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin d'après-midi, 17h42 minutes, avec une reprise d'Edith Piaf que j'adore aussi. Voici Dan Akil, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Écoutez, yeah man, lover, Wagonite, yeah. Tranquille dans la voiture, hein, pas trop de fumée. Hein. Voici le son de la Kill, la reprise de Non, je ne regrette rien, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. No regrets, it's all baby. We have no fear, cause we're right on here. I will be there. Tell me what you got to say, Dan Akil. Tell him. No, no way. Rien de rien. No, no way, like I would say. No, je ne regrette rien. Chagrin, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours. Yeah. Avec leur trémolo. Each and every day, like I'm with you. Balayer pour toujours. Swinging right along the way. Je repars à zéro. And I have no regrets, I love you, baby. No, rien de rien. I'll be there for you. No, je ne regrette rien. Whenever you call. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, yeah, tout ça m'est bien égal. Non, wow. Rien no de rien. Non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes joies. Aujourd'hui, right along, ça commence say. Avec toi. Now hear this. That you can trust in me and I'll be trusting you. Yeah man, Reggae Night. J'adore cette version de Dana Kill. Non, rien de rien, je ne regrette rien. Reprise de Edith Piaf, qui a été aussi superbement repris par notre ami Jojo. Johnny, du son caliente. Allez, on vous le dit, hein, vous rentrez du boulot, 17h45 minutes, vous n'avez pas le moral. Eh bien, on est là pour donner le smile et le sourire avec du bon. Oh caray, voici le Genzo sur un arc-en-ciel. Et c'est Darmé un vaisseau. Demain un bisou, voilà, demain un bisou. 17h45 minutes, c'est Frankie dans la radio. Le Chanzo. Salut Estelle qui est connectée du côté d'Orléans. Vous salue. Et ouais, ça y est, peut-être le sport pour vous. Eh, direction la salle de sport après le boulot, ça fait du bien. Eh ben le coach, il arrive. Voici le beau soprano. Enchaîne les squats, enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat. Abdo dips, pompe bar, abdo dips, pompe bar. Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée. arriver. Tous ensemble, vous êtes en voiture, ça y est, je vous vois faire votre sport, hein, vous rentrez du boulot, direction la salle de sport, et ben, vous dites à l'animateur, là, mais nous, du soprano à fond, là, bah ouais, ça va faire du bien, heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. Demain, on va pas dépasser les 9 degrés, hein, malheureusement, le temps sera encore couvert et pas mal de pluie, heureux d'être là, notre invité en exclu demain, ça sera le grand DJ Goldfinger dans les studios de la radio, ça va être du très très très lourd. Et puis j'adore, le nouvel album s'appelle Poison, voici le tout nouveau Dadju sur un arc-en-ciel, et ça on adore, en exclusivité sur un arc-en-ciel, voici Dadju. Et c'est ma vie. Ouais, c'est la mienne, c'est pas la tienne. Écoutez, exclusivité radio arc-en-ciel. Voici le son de Dadju, extrait de son nouvel album Poison. Oui, Dadju, vas-y, à toi. T'as détruit ma vie. Détruit ma vie. Ma vie. Est-ce que t'y penses? Qu'est-ce que ça te fait de m'avoir pris jusqu'au dernier morceau du cœur que t'as détruit? Triste vie, je me suis fait des filles, j'ai tapé dans le mille, mais j'ai préféré me dire que c'était qu'un fil. Je peux plus dormir quand je t'imagine avec ce fils de toute nu dans mon lit. J'essaie d'être le plus calme et serein possible, mais j'ai qu'une envie, c'est d'éclater vos têtes sur la vie. T'as détruit ma vie. C'est le fruit d'une erreur que tu regrettes, que tu voulais me faire subir un supplice, une injustice, pour que je te dise à quel point je t'aime. Est-ce qu'il fait ça mieux que moi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Je veux même pas le savoir. J'essaie d'être le plus calme et serein possible, mais j'ai qu'une envie, c'est d'éclater vos têtes sur la vie. T'as détruit ma vie. Ma vie. Détruit ma vie. Eh, ça sonne très années 60, hein, derrière, hein, ouais. Dadju, c'est son nouveau hit. T'as détruit ma vie, voilà. Il est malheureux pour la plaquer avec un autre. Oh, c'est pas bien, pas bien, pas bien. Non, c'est pas bien. La reprise de Jojo, Johnny. Je te promets, vous rappelez dans les années 80, hein, ouais, je te promets le gros carton mondial de Johnny Hallyday. Eh bien, repris par les Chico and the Gypsy King. Voici, je te promets. Elle est pas mal, cette petite version. Et puis, on aura notre ami, Eros Ramazzotti, Sebastiano Canzone. Et puis après, je vous laisse avec l'Espagne. Jackie. Et nous on se retrouve demain à partir de 17h avec DJ Goldfinger en direct de Paris dans les studios. Ça va être du très lourd, on vous promet plein de choses. Voici les Gypsy and the Chico sur un arc-en-ciel. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets ma vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours doubles comme tes peines. Je te

quelli che venuti su contrappomento. Eros Ramazzotti, il Faut Rouler l'Air en Italie, c'est basta, c'est una canzone. Tiens, je sais pas comment manger ce soir, bah une pizza, tiens, pourquoi pas. Enfin, passer à Eros. Je vous rappelle que demain, Goldfinger sera mon invité au téléphone depuis Paris. Il nous parle de ce nouveau single Baila. Et puis l'exclusivité lundi prochain, Olivier Carré, maire d'Orléans actuel, sera en direct dans les studios à 17h. C'est lundi. Eh ouais, notez bien cette date, lundi prochain, Olivier Carré, maire d'Orléans, dans les studios de la radio Arc-en-Ciel. Et je peux vous dire, ça se fait très rare, en direct. Je vous laisse avec les balcons d'Espagne. Et puis le son, olé, voici Jackie, tout de suite sur Radio Arc-en-Ciel, l'Espagne. La chica es con la chica, tiene que estar. La chica es con los chicos, han de vivir. Estando todos juntos, tienen que estar. Podemos pasear, bailar y hasta correr. La gente no nos mirará, no hay nada de esconder. Hasta los viejos han de comprender.